Lettre 22e, suite de la lettre d'Evelina, lundi matin, 18 avril. Madame Mirvan m'a communiqué une anecdote de Mylord Orville, qui m'a fait autant de plaisir que de peine. Il lui a dit à l'opéra qu'il avait été extrêmement choqué des procédés impertinents que Lovell s'était permis à mon égard à la comédie, qu'il avait pris ses mesures en conséquence, et qu'il pouvait avoir la satisfaction d'assurer Madame Mirvan que nous n'aurions plus rien à craindre de la part de cet étourdi. Elle le pria de s'expliquer. Elle espérait qu'il n'aurait point fait une attention sérieuse à une affaire d'aussi peu de conséquences. « De pareilles incartades, a-t-il répondu, exige une prompte correction, car pour peu qu'on les souffre, on encourage le coupable. Madame Mirvan excusera la liberté que j'ai prise de me mêler de cette affaire. » Mais puisque j'ai eu l'honneur de danser avec Miss Anville, je devais me considérer en quelque façon comme partie intéressée, et il ne me convenait plus d'être neutre. Il ajouta qu'il avait été trouvé M. Lovell le lendemain du spectacle, et que leur entrevue s'était terminée fort amicalement. Il en supprima les détails, et il se contenta d'assurer Mme Mirvan qu'il avait pourvu à ma tranquillité pour l'avenir, puisque M. Lovell lui avait engagé sa parole d'honneur, de ne plus faire mention de ce qui s'était passé au bal de Madame Stanley. Madame Mirvan le félicita d'un succès aussi heureux, et elle le remercia de l'intérêt obligeant qu'il avait pris à sa jeune amie. « Il serait inutile, continua-t-il, de vous recommander un secret absolu sur cette aventure. Je serais fâché qu'elle transpirât, mais j'ai cru qu'il était de mon devoir de faire entrer M. Lovell dans les bornes du respect qu'il doit à vous, madame, et à la jeune demoiselle qui est sous votre protection. » Si j'avais été informé plus tôt de cette visite de Mylord Orville, elle m'aurait donné bien des inquiétudes. J'avoue cependant que je suis infiniment flatté des soins généreux qu'il a pris pour me mettre à l'abri des insultes de M. Lovell. Cette démarche prouve du moins qu'il n'a pas de moi une idée tout à fait désavantageuse. Peut-être aussi, hélas, ne prouve-t-elle rien. Il est très possible que le Lord n'ait eu en vue que de satisfaire sa propre délicatesse. J'admire le calme et le sang-froid du vrai courage. Qui eût dit, en voyant Mylord Orville à la comédie, qu'il pousserait son ressentiment jusqu'à ce point? Il est vrai pourtant qu'il marqua son mécontentement d'une manière assez visible, et il n'y eut, je crois, que sa bravoure réelle et sa politesse qui l'empêchèrent d'en venir à des explications en notre présence. Madame Duval, comme je l'avais prévu, était hier fort en colère contre moi. Elle m'a grondé pendant près de 2 heures, de ce que je m'étais avisé de la quitter, sans attendre même sa réponse. Elle me menaça de ne plus paraître avec moi en public si je retombais encore dans la même faute. Sœur Clément lui a également déplu parce qu'il ne lui a point adressé la parole, et que d'ailleurs il la contrecarre toujours dans ses disputes avec le capitaine. Celui-ci crut de son honneur d'épouser la querelle de son ami, et là-dessus il se forma une contestation dans le style ordinaire. Après le dîner, Madame Mirvan fit tourner la conversation sur notre prochain départ de Londres. Madame Duval nous dit qu'elle comptait d'y rester encore une couple de mois. Le capitaine lui répondit qu'elle serait la maîtresse, mais qu'il partait avec sa famille mardi prochain pour la campagne. Cette ouverture amena une scène des plus désagréables. Madame Duval voulait absolument que je restasse avec elle en ville. Mais Madame Mirvan lui fit sentir qu'étant déjà engagée à faire visite à Lady Howard, d'où je ne m'étais absenté que pour quelques jours, je devais y retourner de toute nécessité. J'espérais que Madame Mirvan gagnerait Madame Duval à force d'honnêteté et de douceur. Mais l'incartade du capitaine gâta tout. Il ne laissa pas échapper la moindre occasion de l'irriter, et il la traita encore avec tant de grossièreté qu'elle finit par jurer qu'elle plaiderait plutôt que de se séparer de moi. Je tiens ces particularités de Madame Mirvan. Elle avait eu l'attention de me fournir un prétexte pour quitter la chambre. Dès que la dispute commença, ma présence aurait sans doute engagé Madame Duval à faire valoir son autorité et à exiger mon obéissance à ses volontés. Le résultat de cette conversation fut que, pour aplanir toutes les difficultés, elle serait du voyage de Howard Grove. Nous nous y rendrons décidément mercredi prochain. Madame Mirvan écrit actuellement à Lady Howard pour la préparer à l'arrivée inattendue de notre compagne de voyage. Sans cette précaution, l'apparition de Madame Duval pourrait bien exciter une surprise peu agréable. Je ne saurais assez me louer de cette chère Madame Mirvan. Elle s'étudie sans cesse à me rendre heureuse. Nous allons ce soir au Panthéon. C'est notre dernière partie de plaisir à Londres. Dans ce moment, je reçois votre lettre pleine de bonté. Si la première semaine de notre séjour à Londres vous a paru dissipée, que sera-ce de celle-ci? En attendant, le Panthéon de ce soir sera probablement la clôture de nos amusements publics. Quoique je n'ai jamais douté de votre appui et de votre protection contre les violences de Madame Duval, les assurances réitérées que vous m'en donnez n'exigent pas moins toute ma reconnaissance. Accoutumé à être l'enfant chéri de votre maison, l'objet heureux de vos bontés, comment aurais-je pu me résoudre à devenir l'esclave des caprices tyranniques de cette femme? Pardon si je me sers de quelques expressions trop fortes, mais l'idée de passer ma vie avec Madame Duval et le parallèle qui en résulte effacent d'un seul trait tous les sentiments que je puis lui devoir. Vous me dites, monsieur, que vous êtes mécontent de Sœur Clément. Je suppose que sa conduite au sortir de l'opéra ne vous aura pas réconcilié avec lui. Plus j'y réfléchis et plus j'en suis fâché. J'étais entièrement en son pouvoir, et il a eu le plus grand tort d'abuser si cruellement de ma détresse. Ah, si je pouvais mériter, mon très cher monsieur, les vœux et les prières que vous faites pour moi, tous les désirs de mon cœur seraient remplis. Je tremble qu'à présent que je ne suis pas à portée de recevoir vos sages directions, vous ne me trouviez plus faible et plus imparfaite que vous ne le pensiez. Les soins de la toilette m'obligent à finir.